bonheur, ça placote. Effrayant. Est-ce que le bonheur fait partie du placotage ou le placotage du bonheur? C'est pas une question. C'est pas une réponse. Exact. On passe aux choses sérieuses, de façon sérieuse. Veux-tu me dire si mon système neuro-endocrinien est capable d'attirer un agglomérat spirituel? Sinon, verso. Verso de l'eau. Verso. Donc c'était non. Je suis écœuré que je ne fais que vomir ce que j'ai compris dans tes conférences. Je ne fais que vomir ma mémoire. En fait, donc, c'est de l'intellectuance. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Est-ce de la stagnation? Bon, un système endocrinien, ça n'attire pas de quoi que ce soit. C'est la conscience de l'humain qui peut, à un moment donné, s'exprimer par le système endocrinien. Si ça ne s'exprime pas par le système endocrinien, c'est l'ego qui s'exprime par là, donc l'émotion. Et l'émotion, c'est une grande partie de ce qui détruit la vie de l'homme, de la femme et de l'enfant. L'humain doit percevoir ce que c'est qu'un sentiment. Le sentiment, c'est de l'énergie. L'émotion, c'est un sentiment qui est mémorisé et qu'on essaie de nostalgiser, c'est-à-dire qu'on ramène de temps en temps. Et c'est l'émotion qui fait que l'humain est toujours en gros conflit. L'émotion, c'est ce qui permet à l'humain de s'auto-manipuler, de s'associer les uns aux autres. C'est pourquoi on dira souvent que l'amour est de l'émotion, et quand on s'aime, on est tous ensemble. L'amour réel, l'amour intelligent, ce n'est pas une émotion. Et quand on s'aime, eh bien on est bien. On ne souffre pas d'aimer autrui. Ce qui s'approche, on l'aime. Ce qui s'éloigne, on l'aime. S'il y a une chose qu'on n'aime pas sur la planète, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Alors, l'amour, ce n'est pas sélectif, ça n'arrête pas sur un humain, puis ça en enfuit un autre. Tandis que l'amour de l'humain, il est très sélectif. Et il est absolument incertain et instable. On parle donc d'émotion. Le sentiment, c'est autre chose. Je suis écœuré parce que lorsque j'intelligencie les choses, je ne fais que vomir ce que j'ai compris dans tes conférences. Je ne fais que vomir ma mémoire. La personne, elle veut dire que lorsqu'elle intelligencie, finalement, elle s'assujettit à ce que j'ai dit, ou à d'autres choses qu'elle a apprises. Donc, elle a l'impression que lorsqu'elle essaie d'être elle, elle est autre chose qu'elle. Elle est moi, par exemple. Ce que vous devez comprendre, c'est que la grande partie de l'évolution va se faire dans l'intelligence, mais va être exprimée par de l'ego. Jusqu'à un moment donné où l'ego va suffisamment se dissocier, se dissoudre, et vous serez de plus en plus ce que vous êtes. Lorsque j'ai commencé à faire des conférences, je parlais de certaines choses, ça fait quelques années, et ce que j'expliquais, je cherchais un mot pour le résumer. Et à un moment donné, j'ai trouvé un mot, supramental, supérieur au mental. Quelques temps après, quelqu'un me dit, vous avez vu que vous avez lu les livres de Sri Aurobindo, dites-moi donc si... Et moi, je n'avais pas lu ces maudits livres. Alors, je lui explique que je ne l'ai pas lu. Ben voyons donc, l'énergie supramentale, c'est lui qui a amené ça, ce mot-là. Alors là, j'étais réellement mal en point, c'est-à-dire que je me sentais justement, c'est comme si je devais m'assujettir dans mon avancement à un maître, à quelqu'un d'autre. Et ce que je suis, parce que je n'ai jamais été capable, j'ai toujours été allergique au maître. Alors, ça ne me plaisait pas. À un moment donné, je continue mes conférences et je sors quelques autres mots pour découvrir par la suite que d'autres personnes n'ont pas les mêmes mots. Alors, je me dis, ça y est, je fais. En expliquant aux gens qu'on devait être son seul maître, je l'expliquais avec les mots des autres. Krishnamurti, Aurobindo, puis d'autres personnages, Alice Bailey, etc. Alors, j'étais très médiocrement fait. Mais ça donne que j'avais suffisamment d'intelligence pour comprendre une chose. C'est que si ces mots-là existent déjà, pourquoi faudrait que je travaille pour en inventer d'autres? Pour finalement finir par dire les mêmes choses que tout le monde avec mes propres mots, ce qui ferait en sorte que ceux qui suivent mes conférences pourraient jamais comprendre que d'autres aussi ont raison, parce qu'ils ne prendraient pas les mêmes mots. Le mot, il est correct, le mot, il a été inventé par un autre, il va bien, il résume ce que je dis, alors je l'emploie, puis merde. Tant pis. Si un jour je deviens Aurobindo, c'est probablement parce que Aurobindo est correct. Alors que l'humain va dire l'inverse. Alors j'ai continué à faire des conférences comme ça, ça donnait, et progressivement, j'ai traversé une brume, celle que l'individu ici voit un peu. C'est que dans le monde de la mort, là où on prend les informations mémorielles, dans le monde de la mémoire, donc, nous sommes ici, nous avons un canal, le canal réincarnationnel, à un moment donné, le canal ajusteur de pensée. Nous allons par ce canal chercher de l'information quelque part. Normalement, c'est dans le monde de la mort, donc, là où tout est mélangé, c'est-à-dire là où les âmes perdant la membrane de l'âme, gagnant le monde de la mort, sont dissociées, digérées par le monde de la mort. Dans les religions, on dit que quand on est mort, on retrouve ce que l'on a connu pour l'éternité. Ben oui, on se digère, on se mélange, on se fusionne, c'est un voilà, voilà. Dans le monde de la mort, par le canal, l'individu a de l'information. L'information, ça va être qu'il va chialer quand il pleut. Bon. Alors qu'à un moment donné, celui qui communique avec un ajusteur de pensée va chercher dans le monde de la mort, il va se relier à des égrégores, des bulles dans le monde de la mort qui contiennent de l'information particulière, et il va se relier à cet égrégore-là. Et cet égrégore-là, s'il a été conçu par l'expérience supplémentale de Jiddu Krishnamurti, eh bien, la personne qui se connecte là va parler comme Jiddu Krishnamurti. Mais c'est sa propre conscience qui sera verbalisée comme Jiddu Krishnamurti. Si dans cet égrégore, à un moment donné, Aurobindo vient là, ou Krishnamurti le rejoint, ou d'autres personnages, moi, par exemple, dans certaines choses que je dis, l'individu qui se connecte là, dans le monde de la mort, donc dans la mémoire, va parler comme celui qui l'a peut-être amené à avancer un peu. Si je découvre des choses en lisant Krishnamurti, je les expliquerai comme Krishnamurti. Suis-je Achyuti à Krishnamurti? Non. C'est si je les explique, et que si on me pose des questions, je peux même expliquer ce que je ne l'ai pas lu, mais comme lui l'aurait fait, c'est que la conscience, le savoir, m'appartient, mais pas le langage. Ça, ce n'est pas grave. Parce que si je me limite uniquement à cause d'une forme d'ego, ah oui, mais là, je parle comme un tel. Oui, mais ce que je dis, c'est moi, ça m'appartient, je le comprends. Je parle en français, alors je suis bien mal pris, je parle comme bien du monde. Et à un moment donné, je spécialise mon vocabulaire. Je suis moins bien mal pris. Je parle comme certaines personnes, mais pas comme tout le monde. Et à un moment donné, je le spécialise tellement que je parle comme un tel ou une telle. Il ne faut pas que ça me frustre. C'est ma conscience. Parce que j'emploie ces mots, je ne sais plus si c'est ça ou ma conscience. Mais ce que je dis fait du sens. Alors, je n'ai rien à faire, savoir à qui est la conscience. C'est de la conscience. Et à un moment donné, à force de travailler, de dire des mots, j'ai intégré et ingéré, donc digéré, les mots donnés par les autres, à un point tel qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est moi qui les amène. Alors, ils diront d'un autre, tu parles comme Kemp. Alors que lui, il n'a jamais connu Kem, il n'a connu qu'Aurobindo. Ben, il parle comme Aurobindo, mais Kem parle comme Aurobindo, donc il parle comme Kem. Vous voyez ce que ça donne? Et à un moment donné, j'invente maintenant des propres mots. J'ai mon vocabulaire, ma spécialisation, et d'autres personnes maintenant commencent à découvrir les mots que j'emploie. Une égoïsation. D'autres vont l'employer. Mais est-ce que, ah oui, mais tu l'emploies, tu sais, tu es un disciple de Daniel Kem. Quand le mot est intelligent, pourquoi il faudrait se casser la tête d'inventer 25? Nécessairement, l'individu qui chemine par un ajusteur de pensée va pénétrer un égrégore, et dans l'égrégore, ce sera un égrégore le plus près de l'énergie qu'il aura mis en contact avec son ajusteur de pensée. Si c'est moi, nécessairement, il sera confiné à me ressembler dans sa parole, et dans la parole, dans sa tête, pas dans sa pensée, mais dans la parole, dans sa tête, lorsqu'il parle, dans sa tête, comme lorsqu'il parle par la voix. Il n'est pas assujetti. Il est assujetti au langage. Mais le langage est une façon d'exprimer de l'intelligence et de l'énergie. Le langage ne forme pas l'énergie. Mais parce qu'à un moment donné, votre ajusteur de pensée, ce qui rectifie la pensée, ce qui associe les mots, ce qui invente les phrases n'est pas encore suffisamment réchauffé, vous allez vous servir des trames déjà installées les miennes ou celles de d'autres qui auront été des ajusteurs collectifs. Mais ce n'est pas grave. Alors, l'individu ne doit pas penser qu'il ne fait qu'intellectualiser ou qu'il ne fait que vomir de la mémoire. La mémoire qu'il semble ramener dans sa conscience, de la mémoire qui forme un chemin. Je le répète, une grande partie de l'évolution de l'être humain, de l'humain, de l'animal humain, sera structurée par sa mémoire, par son ego. Et parce qu'il grimpe dans le monde de la mort, il y recherche de l'information provenant des grégores qui auront été créés. Certains parleront comme le Nazaréen, ils sont branchés là-dessus, c'est très bon. D'autres comme Aurobindo, Krishnamurti, Daniel Kemp ou d'autres personnages. Il y en a d'autres qui sont vivants aujourd'hui qui parlent aussi. À un moment donné, il va traverser la sphère s'il ne pense pas être rendu et il arrivera au-delà du monde de la mort, au-delà de la mémoire. Au-delà de la mémoire, il aura un vide et à un moment donné, il sera capable dans son intelligence de comprendre l'utilité de certains mots et on ne pensera plus qu'il parle comme un tel parce qu'il y aura une saveur différente dans l'énergie qu'il va communiquer, pas dans la forme, donc pas dans le mot. Là, il sera branché totalement sur lui, mais chemin par chemin. Le médecin qui fait de la médecine à sa façon a dû apprendre dans des livres. Apprenant dans les livres et apprenant de d'autres médecins, il devenait comme eux. Mais s'il est intelligent et s'il reste centré sur lui, il sera comme eux dans l'apparence. Mais la journée qu'il aura fini, qu'il aura traversé ses personnages et ses livres, il formera la prochaine médecine. Ben, il doit se rendre jusque-là, de ne pas se dire « Ah ben oui, mais je ne serai jamais moi-même comme médecin, je suis comme eux autres. » De continuer. Est-ce que la centricité sur soi-même peut venir à bout de toute attaque ou manipulation astrale? Même, ben ok. Absolument, mais la centricité sur soi-même doit être menée de main de maître par le mental, pas par l'ego. Même si tu es responsable de la « bonne marche » entre guillemets d'un groupe et que dans le groupe, une personne est manipulée à créer du désordre. Tu la mets dehors. Même si le groupe peut être complètement manipulé vers le désordre. Ben oui, alors tu mets le groupe dehors. L'attitude juste est-elle d'être conscient de ce désordre, de ce bruit, de ces ennuis, je crois, sans réagir émotivement, mais mentaliser en n'attachant pas d'importance au résultat. En somme, frôler la limite de tout. Perdre, gagner n'existe plus à ce niveau-là, dans ce point de vue-là. C'est ça que je dis. À un moment donné, j'ai rencontré une personne dernièrement qui veut aller se faire... ils veulent bâtir un village. La cité des sphères. Moi, j'ai dit les sphères. Mais bon, il m'a pas écouté. Alors, je lui explique, quand tu fais un village comme ça, eh bien, il y a 10 familles présentement, puis bon, ils recherchent d'autres personnes, puis ce qu'ils ont structuré, c'est extrêmement bien. C'est à 75% très intelligent, le reste, c'est peut-être émotif et mémoriel un peu, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qui s'est déjà fait dans le passé. Et je lui explique, c'est très simple, c'est que quand tu vas dans ton village, la journée que tous les citoyens sont contre toi, ne deviens pas un dictateur. Change de village, déménage. Mais là, l'ego pourrait dire, oui, mais crime, c'est moi qui l'ai fait, le village. Tu ne l'as pas fait sans eux autres, donc tout le monde le fait. Mais quand maintenant ça ne va plus, tu ne trouves plus là, tu changes de place. Le résultat, il n'y en a toujours pas, que tu continues, tu t'en vas. Il y a une personne dissidente dans un groupe, mais la personne dehors. Tout le groupe est manipulé, tout le groupe devient dissident, mais le groupe dehors. Autrement dit, toi, va-t'en. C'est tellement facile. Mais là, si quelqu'un est attaché au résultat, ben là... il ne pourra pas. Y aura-t-il des écoles initiatiques pour nos enfants dans les années 90 et plus? Et plus, c'est sûr. Des écoles initiatiques. Vous savez, il y a déjà des écoles initiatiques. Sauf qu'elles sont très, très ésotériques. Alors, on ne les connaît pas. Mais elles sont en train de grimper à la surface. Sont en train de sortir. Alors, effectivement, il y aura des structures qui, oui, dans les années 90, c'est évident, et après, c'est évident aussi. Ça va venir. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il n'y a pas une seule école initiatique qui se tient debout, qui pourra ouvrir ses portes aux enfants si les parents ne sont pas déjà passés par l'école. En rêve, lorsqu'on voit la terre bouger de l'autre côté de la rue, et qu'on refuse de traverser cette rue. Qu'est-ce que cela dénote dans la personnalité du rêveur? Ben, ça dénote au moins qu'il rêve. L'interprétation des rêves est extrêmement dangereuse pour la simple raison que chaque être humain, bien qu'il soit collectif, donc qu'il soit relié à des schémas similaires d'interprétation ou de façon de rêver, chaque humain étant relativement individuel, on ne peut pas s'attendre à ce que chaque décodage soit bon pour tout le monde. Comme quelqu'un qui prend un livre sur les rêves, il rêve à un chat ça veut dire ceci. Oui, mais si c'est un musulman, le chat ne veut pas nécessairement dire la même chose qu'un autre. Alors, on voit la rue bouger, on voit la terre bouger de l'autre côté de la rue et qu'on refuse de traverser cette rue. Qu'est-ce que cela dénote? Tellement de choses en même temps. Ça dénote un ego qui préfère la stagnation, ça dénote un mental capable de voir le mouvement dans la vie, ça dénote énormément de choses. Le danger de l'interprétation du rêve, c'est que ça pourrait faire dire à l'ego, « Ah bon, ça veut dire que je suis un ego qui n'est pas capable d'avancer. Ah, c'est pour ça que je n'avance pas. » Puis là, la personne, ben, elle s'en sert comme raison pour ne pas avancer. C'est toujours dangereux d'interpréter les rêves. Ce que vous devez interpréter d'un rêve, ce n'est pas tellement ce que vous y voyez, mais c'est comment vous vous sentez dedans. C'est beaucoup plus ça. Vous avez eu peur, c'est toute l'information sentimentale qui doit être appréciée. Pas interprétée. Appréciée est encore plus juste. Une saveur? Oui. C'est beaucoup plus ça qu'on doit faire avec les rêves. Le rêve est nécessairement un voyage dans le monde de la mort. C'est un voyage astral. C'est une extra-conscientisation, donc, du corps. C'est une manipulation, c'est un pilonnage, c'est un viol de la conscience de l'homme lorsqu'il rêve. Mais interpréter en plus, c'est comme essayer de découvrir des messages dans l'inconscience, des messages inventés et engendrés par ceux qui tentent de nous manipuler. Alors, on n'a pas besoin. Vous avez un ego qui fait ceci, qui fait cela, ben, vous prenez le corps et bougez. Puis l'ego, il suit. Comment expliquer l'origine et le pourquoi des sifflements et bourdonnements qu'on entend intérieurement? Pourquoi c'est ainsi fait-il? Est-ce les neurones? On parle souvent d'acouphènes, c'est-à-dire que ce sont justement des sifflements, des trucs comme ça que l'on entend dans une des deux oreilles. Il y a deux formes d'acouphènes. Premièrement, il y a des problèmes au niveau de l'oreille moyenne, de l'oreille interne. Il peut y avoir un problème au niveau du tympan. Bon. Il y a l'autre forme d'acouphène qui est simplement l'impression qu'a le cerveau d'entendre quelque chose. L'impression qu'a le cerveau d'entendre quelque chose, c'est nécessairement neuronique, mais en réalité, c'est un peu plus énergétique. Il y a énormément de... L'ajusteur de pensée, c'est ce qui permet de relier l'être humain à quelque chose qui est au-delà de la création. On n'en parlera pas en conférence régulière, c'est des sujets plus de séminaires. Mais on doit comprendre que ce qui rend l'humain le plus proche de la perfection, c'est-à-dire du point d'origine, c'est son ajusteur de pensée. Tous les humains qui sont capables de penser ont un ajusteur de pensée, mais la majorité des êtres humains ont un ajusteur de pensée relié au canal réincarnationnel, c'est-à-dire que leur ajusteur de pensée ne leur permet pas d'obtenir de l'information supramentale, donc leur ajusteur de pensée n'étant pas opérationnel par l'intelligence, ne leur permet pas de se centrer sur eux-mêmes. Ça se fait avec le temps. Lorsque l'ajusteur de pensée, de temps en temps, entre en contact avec de la réalité, donc avec l'événementiel, avec l'instantanéité, avec l'immédiat, il amène de l'information au cerveau. Il amène de l'information à la glande pinéale, qui fera office de troisième cerveau, c'est-à-dire qu'on a l'hémisphère cartésien, l'hémisphère intuitif, émotif, qui permettent à l'humain, l'un, d'entrer en contact avec le monde de la mort, l'autre, d'entrer en contact avec les cinq sens physiologiques, physiques. Et on a la glande pinéale qui, elle, à un moment donné, va permettre à l'humain d'entrer en contact avec de l'intelligence supramentale. Et ça fera donc office du troisième hémisphère. Donc, ce ne sera plus des hémisphères, mais ce sera des parties du sphère. Le troisième cerveau, lui, va engendrer certains phénomènes au niveau endocrinien et au niveau des dépolarisations neuroniques. La glande pinéale, lorsqu'elle sécrète certaines formes d'hormones chez l'enfant, elle fait que l'enfant n'est pas sexué. N'étant pas sexué, 100% de l'énergie vitale monte dans la colonne vertébrale, vers le centre laryngé, et va développer la parole chez l'enfant, et monte vers le cerveau pour développer ce que l'enfant sera du point de vue de la conscience, l'être qui se servira de la parole. La glande pinéale, lorsqu'elle est suffisamment réveillée par l'ajusteur de pensée, elle va créer dans le cerveau des mécanismes, comme les acouphènes, comme les bourdonnements. En l'occurrence, ça peut créer des bourdonnements qui peuvent donner de l'information à l'humain, dépendant de où sont localisés les bourdonnements, à gauche ou à droite, ou etc. En plus, ça peut créer différents symptômes de maladie. À un moment donné, j'ai fait une conférence qui sont les maladies de l'évolution, quelque chose comme ça, où on parle justement relativement intensément de ce phénomène. Quand tu es au repos, comme sans faire de la méditation, mais dans un état de calme relatif semblable à celui de la méditation, puis que dans le milieu, dans le crâne, à l'intérieur, dans quelque part, tu entends une vibration. Parce que tu ne penses pas. Au moment où tu ne penses pas, la vibration apparaît. C'est la glande pinéale qui travaille. Puis ça, par observation, j'ai remarqué qu'on peut le diminuer en intensité ou l'augmenter en faire varier le bruit. Oui. Pas juste en intensité, mais en vitesse, mais en fréquence. Mais en réalité, tu ne fais pas varier l'intensité ni la vitesse. Par contre, tu fais varier ce qui perçoit. C'est la perception qui est changée. Oui, tu entends moins ou tu entends plus. Et dans la perception, tu peux aussi entendre des vibrations que tu n'entendais pas, donc qui semblent plus rapides. C'est un peu comme si tu percevais... L'œil perçoit 24 images à la seconde. À un moment donné, si tu lui donnes 48 images à la seconde, il y a des choses que tu pensais qui allaient d'une certaine vitesse. Tu vas te rendre compte que vu qu'il y a plus de points, que ça bouge plus rapidement. Au niveau de l'écoute, c'est la même chose. Tu entends tic, tic, tic, tic, tic, tic. Si tu entends plus vite, tu vas entendre tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Donc, tu dis ça l'a accéléré. Ça l'a pas accéléré, mais tu améliores, tu joues avec ta perception. C'est une mécanique de la glande pinéale. Au niveau de certains yogas, le Raja Yoga, entre autres, on parle d'énergie, justement, d'énergie supramentale. C'est effectivement de l'information supramentale qui rentre au niveau du cerveau de l'humain et qui est, par résonance, captable par certains neurones. Maintenant, si l'humain n'est pas suffisamment conscientisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de décoder des subtilités dans ce qui lui arrive, il ne le verra pas. Mais l'humain qui peut décoder des subtilités pourra subitement entendre des choses, percevoir des choses, avoir l'impression que ça lui pique ici, ça lui pique pas en réalité, c'est le cerveau qui décode cela. Et il y a différents phénomènes pathologiques qui ne sont pas des maladies, mais qui sont similaires. Puis effectivement, il y a dans certaines formes de méditation, on peut développer cette mécanique, et on peut simplement l'apercevoir lorsqu'on est en état suffisamment alpha. Est-ce que la nuit, dans l'astral, on peut subjuguer ou ensorceler quelqu'un? Ben oui, mais c'est évident. Hey, voyons donc. Veux-tu que j'explique comment? Non, de se faire, je sais. Qui a assez peur de se faire avancer? Tu peux plus expliquer comment l'arrêter. Ah, ça aussi on peut. La magie noire, c'est exactement ce que c'est. C'est une magie qui procède de l'évolution. Et la nuit, tous les égaux ont peur. Et en plus, les égaux vont dans le monde de la mort. Le mental n'est pas là. L'intelligence ne dort pas. Donc, l'intelligence n'est pas avec l'égo dans votre voyage astral, dans votre rêve. Alors, c'est extrêmement facile de partir en voyage astral, dans votre rêve, vous rejoindre, faire ce qu'on veut avec vous. Je l'ai déjà fait avec des personnes. Parce que tout le monde se dit, ah, ben, ça doit être ça qui m'est arrivé. Que... Comment on fait pour arrêter ces processus-là si tu ne veux pas te faire violer dans tes rêves? Premièrement, il faut savoir que celui qui rentre pour violer s'assujettit à un karma noir qui est aussi puissant que ce qu'il va faire. Donc, ce n'est pas intéressant de le faire. De ce fait, je ne le fais pas. Par contre, effectivement, il y a des moyens de se protéger, mais ces moyens-là font partie des moyens occultes, ésotériques, c'est-à-dire que tu dois mettre des cadenas sur tes fenêtres, sur tes portes, sur tes entrées. Des cadenas ésotériques. C'est quoi un cadenas ésotérique? C'est, par exemple, une étoile à six branches dessinée en blanc sur chacune des orifices d'une maison. Et ça fonctionne, c'est extrêmement opérationnel. Mais c'est de la magie blanche, c'est donc de la sorcellerie. Mais ceux qui font ce genre de choses sont des sorciers. Du moins, ils font de la sorcellerie, donc ce sont des sorciers. Mais peut-être qu'ils n'ont pas de chapeau conique avec des étoiles dessus, là, mais c'est de la sorcellerie. Il y a différentes choses comme ça. Il y a une autre façon, c'est de hanter le sorcier. C'est, par exemple, de temps en temps, de gagner le monde de la mort pour instruire le sorcier que c'est génial ce qu'il fait, nous fait évoluer et nous rend heureux. Comme normalement, un sorcier fait tout pour l'inverse, c'est pas long qu'il cesse de le faire. Alors, comment on le rejoint dans le monde de la mort? La façon la plus rapide et la plus simple, c'est par la prière. Tu le remercies en priant. très, très opérationnel. De t'avoir permis d'évoluer ou d'apprendre. Merci de m'aider à évoluer comme ça, etc. Puis il m'a donné, là, il change ses stratégies parce que intuitivement, il a l'impression que ce qu'il fait, c'est pas ça. Ben, c'est parce qu'on y parle, je sais pas, mais intuitivement, à un moment donné, il a l'impression que ça donne pas le résultat qu'il voudrait. Est-ce que l'encens peut aider à changer certaines choses? Oui, l'encens, ça l'aide à augmenter, à changer le taux vibratoire d'une pièce. Ça préserve dans l'immédiat de l'agression d'un phénomène, mais ça ne préserve pas nécessairement l'individu. Ça ne bloque pas? Non. Alors, l'individu, s'il passe plus de temps à son bureau que chez lui, c'est le bureau qui doit barrer au niveau de l'astral. Et tout ce qui est envoyé dans, par exemple, ces manipulations-là, mais ça peut être aussi avec des poupées, ça peut être avec un paquet d'autres choses. Lorsque ça frappe des cadenas comme ça, ça rebondit et ça cherche quelqu'un à hanter. Pour éviter cela, il y a des structures planétaires qui ont été construites dans l'antique antiquité. Alors, il y a les statues de l'île de Pâques qui sont des antennes qui ramassent tous les maléfices qui n'ont pas atteint leur cible pour préserver l'antipode Lhasa, la capitale mondiale du bouddhisme au Tibet. Il y a les grandes pyramides qui servent aussi à la même chose. Puis, il y a différentes structures comme ça qui servent à récupérer les conneries astrales qui ont été laissées et qui n'ont pas atteint. Par exemple, je jette un sort à quelqu'un dans la salle, on va dire Charles, il est à côté de moi. Mais hélas, Charles meurt avant que mon sort parvienne. Hélas, ouais, c'est une façon de parler. Alors, le sort ne va nulle part. Normalement, il me revient à pleine face, c'est moi qui paye le karma. Mais si moi, je me suis mis des cadenas... Je pourrais jouer un taux puis mourir. C'est ça? Si moi, je me suis mis des cadenas, bien, ça s'en va quelque part. Normalement, les individus faibles vont les ramasser, donc ils absorbent un karma collectif sans trop savoir ce qui se passe. Mais plus souvent qu'autrement, il y a des antennes comme ça qui récupèrent. Comme ici, au Québec, à Montréal, on a un réservoir qui attire les mauvais sorts et qui récupère cela. On en a un qui est extraordinairement puissant. C'est lequel? La cathédrale. C'est tout proche. L'université, là-bas? Non, c'est l'oratoire Saint-Jean. L'oratoire, c'est ça. C'est ça, ça sert à ça. Si le mauvais sort t'est transmis, la sorcellerie t'est transmise physiquement par un objet, qu'est-ce que tu fais avec l'objet? Si tu peux le... La meilleure chose, c'est de détruire l'objet, mais sinon, tu te changes toi-même. Par exemple, on reprend les rainures d'ongles d'une personne, ses cheveux, des choses comme ça. Sauf que l'individu, au bout de 7 ans, il aura suffisamment changé qu'il ne sera plus en harmonie avec la poupée, donc ça ne fonctionnera plus. Oui, mais 7 ans, ça peut être long. Ah ouais, mais ça dépend du sort. Les gens chez qui on voit des choses négatives nous servent-ils de miroir? Oui. Vous ne pouvez voir ce que vous n'êtes pas. Exemple. Je trouve qu'une personne est extrêmement intelligente. Je suis probablement très intelligent. Oui, mais si tu trouves qu'il y en a plus d'imbéciles que d'intelligents, je suis probablement très imbécile. Très imbécile. Oui. C'est encourageant, ça. Et maudit que le monde est intelligent. C'est ce que j'ai à dire. Tu trouves plein de monde imbécile. Ah, non, non, très intelligent. Mais il faut bien comprendre, c'est que ce que l'on voit de bien, on l'a. Ce que l'on voit de mal, on l'est. On l'a. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce que nous sommes, mais c'est ce qui constitue le véhicule terrestre. Vous ne pouvez pas reconnaître l'imbécilité chez quelqu'un si ça ne vous habite déjà pas. Mais ça peut vous irriter, évidemment. Mais il y a des parties qui vous irritent aussi. L'individu, ce qu'il voit, on dit on projette, tu projettes effectivement. Mais tu ne peux projeter en réalité, c'est que tu décodes uniquement les choses qui sont chez toi. Alors je trouve qu'une personne est plaisante, elle est enjouée. J'aime être avec elle parce qu'on rit. Tu sais, je me dis, elle est heureuse. J'aime être avec elle. Mais si quelqu'un lui demande à elle comment qu'elle me trouve, elle va dire, ben, t'es heureuse, c'est évident. Quand je suis avec elle, je suis comme elle. C'est évident, je suis pas malheureuse, elle restera pas là. Effectivement, quand on voit des conneries chez les voisins, on les a chez soi, puis quand on voit des bonnes choses, on l'a aussi. Mais il faut faire attention, ça ne veut pas dire que je suis cela. Je trouve qu'il y a des gens imbéciles, ça ne veut pas dire que je suis un imbécile, mais ça veut dire qu'il y a de l'imbécilité qui m'habite. Puis quand on comprend que l'imbécilité n'est pas de l'imbécilité, mais de la manipulation, ce que sont là, on arrête. L'ajusteur de pensée, normalement, fait des choses dans le genre, as-tu vu l'imbécile? C'est vrai qu'il est imbécile. Mais là, je me rends compte que c'est de mon ego qui parle. Continue à penser que les gens sont imbéciles. Tout virer ça au complet. T'sais? Il est cave. Oui, il est cave de chialer de même. T'sais? Puis de l'autre, c'est ça. Alors, à un moment donné, progressivement, tu ne vois plus d'imbécilité chez autrui. Tu comprends des mécaniques, puis ça ne te dérange plus, mais tu ne l'es plus non plus. Alors, les autres sont exactement des miroirs. Totalement. Je suis thérapeute en médecine énergétique, les chakras. Pas grave, pas grave. Tout peut s'arranger. Et récemment, j'éprouve un ennui à faire ce travail routinier. Que m'arrive-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Bon, la personne travaille au niveau des chakras et j'éprouve un ennui à faire ce travail routinier. Que m'arrive-t-il? Il arrive simplement que la personne, le thérapeute, probablement, qu'il avait besoin d'une thérapie. Alors, en faisant de la thérapie aux individus du point de vue de l'énergie, il a peut-être été capable de transférer ce qu'il avait de trop et de récupérer ce qui lui manquait en le volant sur ses patients. Et maintenant qu'il est suffisamment stabilisé, du point de vue de son plan de vie, il n'a plus de raison énergétique comme il l'avait avant. Donc, c'est une motivation par en dessous. Il n'a plus de raison énergétique de poursuivre le travail. Ah ben là, il est nécessairement, c'est plus intéressant. Mais quand tu dis voler, c'est pas voler consciemment, dans le sens que tu... Il y a un échange énergétique qui se fait. Il n'y a pas grande différence entre voler consciemment et voler inconsciemment. De toute façon, on lui-même manipulé. Oui. Quand je dis voler, c'est que le patient ne le savait pas. Lui non plus. Mais non. Mais ni le voleur, ni le volé. Exact. C'est sûr. Donc, on lui a emprunté pour jamais le lui remettre. Il lui a pris parce que, de toute façon, c'est son plan de vie. Il n'y a pas le choix. Dieu lui a donné, puis l'autre à l'autre. En tout cas, une chose certaine, c'est ça qui s'est passé. Il y a bien des façons de dire le mot volé. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je fais de l'énergie. Ah, énormément. Puis il y en a qui m'ont en tête. Eh bien oui. Puis quand on est une gang de têteux ensemble, on est heureux. C'est une synergie. Et ça va bien. Un têtage collectif. Eh oui. Là, l'énergie circule simplement, donc il n'y a plus de problème. Alors, ça va bien. Le patient, il vient là. Le patient, ben, quand il repart, il est correct. Puis l'autre, il est mieux. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. C'est parfait. Mais quand tu n'en as plus besoin? Alors maintenant, il peut continuer à faire le travail. Mais il faudra qu'il se serve du travail pour avancer d'un autre pas. Soit qu'il essaie de nouvelles techniques, alors qu'il ne se fie plus à ce qu'il a appris. Il va falloir qu'il se passe quelque chose, mais non qu'il abandonne, parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il va commencer maintenant à ramasser les maladies des autres progressivement. Puis ça, beaucoup de thérapeutes dans l'énergie, c'est ce qui leur arrive. Mais moi, je suis pas pour. Lorsqu'on aime quelqu'un et que l'on en souffre, et que l'on souffre de ne pas être avec lui, sortir avec lui... Alors, on n'aime pas quelqu'un, on aime ce qu'il crée chez nous. Que doit-on faire pour se libérer? C'est ça. On ne doit pas se libérer non plus, on doit se désinhiber. Bon. Quand on aime quelqu'un et que l'on souffre de ne pas être avec lui, c'est qu'en réalité, on aime ce qu'il suscite chez nous. Quand il n'est pas là, il ne le suscite pas, donc nous souffrons de ce manque, alors on recherche l'autre. C'est comme j'explique de temps en temps, vous aimez les fleurs, vous les coupez pour les mettre sur votre table, alors vous n'aimez pas les fleurs parce que vous les tuez. Ce que vous aimez, c'est ce qu'elle suscite chez vous. Quand elle est fanée, elle ne le suscite plus, la fleur prend le bord de la poubelle. Hein? Quand ton fils arrive près du beau bouquet de fleurs que tu as coupé, là, puis elle commence à arracher pétales, tu cries. Arrache le pétale, pas grave. C'est ça. Tant qu'il n'altère pas ce qui nous nourrit, ça va. Alors, c'est ce qui veut faire en sorte, à un moment donné, que vous allez aimer quelqu'un, mais si c'est un les cheveux d'une couleur que vous n'aimez pas, vous l'aimez, mais pas de même. Parce que comme il est là, il nourrit plus ce qui est chez vous a besoin d'être nourri. Alors, vous l'aimez, mais ça reste conditionnel, c'est-à-dire qu'il devra se modifier un peu pour que vous puissiez continuer réellement à l'aimer. C'est ce quand on parle d'amour, d'émotion, c'est cet amour-là. Ce n'est pas de l'amour. Quoi faire pour arriver à s'en sortir ou à être un peu plus, c'est de canaliser différemment. On ne doit pas se mortifier de découvrir qu'on aime d'une façon conditionnelle, possessive, limitative, où le respect est totalement banni. Mais non, ça c'est une partie de nous qui aime comme ça. Mais ça c'est une chose, tant pis. Mais c'est une partie de ce qui constitue le véhicule planétaire. Pas de nous, pas de notre conscience. Qu'est-ce que l'on doit faire? Ben, je reviens encore sur une des choses, c'est que la personne doit s'arranger pour se centrer sur elle-même. pas, et certains vont dire, ça veut dire que si je ne la vois plus jamais, je vais avoir réglé mon problème. Non. Tu vas avoir réglé la souffrance. Pas le problème. La journée qu'on va tomber en amour avec un autre, on va recommencer. C'est vraiment pas une vie. Bon. La personne, elle doit simplement s'arranger pour être capable de susciter, de synergiser chez elle ce qui se trouve énergisé par la présence de l'autre. À un moment donné, on pourra... j'ai fait quelques conférences sur l'amour intelligent. Ce serait probablement extrêmement intéressant pour la personne de les écouter. Parce que là, sinon, je vais devoir m'embarquer dans une palabre extrêmement longue. Le sujet en vaut la peine, mais on n'aura pas le temps. J'ai fait donc quelques conférences sur l'amour intelligent et c'est ça que l'humain doit développer chez lui. Alors, il va finir par abandonner son amour émotif. Est-ce que le fait de devoir, de se sentir obligé de sortir avec quelqu'un ou d'habiter ça, avec quelqu'un... c'est l'archétype du couple. Ou de non. Ou de sortir tout court, d'aller voir un film, c'est parce qu'on a peur d'être avec nous autres. Pas toujours, mais souvent, oui. Mais ce qui arrive, c'est quand on est en couple, quand on aime quelqu'un, c'est parce qu'une grande partie de ce qu'il est, que c'est ça qu'on est. Alors, plus il est là, plus on est correct. Tu sais, on dit que l'homme et la femme doivent se compléter. Je sais pas s'ils se complètent, mais l'un cause la tasse, l'autre cause l'assiette. Ils se complètent. Mais en réalité, c'est qu'il y a des parties que l'on voit chez autrui. Si moi, je sors avec une femme, puis je l'aime, c'est probablement parce qu'il y a des parties qu'elle exprime chez elle, que j'ai chez moi, mais que je n'exprime pas à mon goût. Alors, quand elle n'est pas là, je me sens, il manque une partie. C'est quand elle est là, je peux m'illusionner que je suis là. C'est un catalyseur qui vient faire s'exprimer ce que... Cataplasme et catalyseur. Mais on doit s'arranger pour vivre d'amour intelligent. C'est-à-dire qu'on doit s'arranger pour être capable d'être en énergie avec quelqu'un. Quelle que soit la distance, je suis en communication énergiopathique avec lui. Donc, télépathique, sympathique, etc. Je suis en communication. C'est-à-dire que ce que j'ai à prendre de l'autre, je continue à le prendre. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une vision qui va nourrir mon ego. Et ça se développe, mais ce serait long à développer en parole. J'ai fait 3-4 conférences sur le sujet. Il m'est arrivé 2 fois d'être réveillé par quelque chose ou quelqu'un d'invisible qui me massait. Ah ben, profitez-en! Pour une fois qu'on se fait masser sans payer. Il a laissé le compte il a laissé la facture sur la table de chevet. La première fois au niveau du plexus solaire et la deuxième fois vis-à-vis le corps. À ce moment-là, j'étais complètement paralysé. Ça m'a demandé un effort immense pour arriver à bouger et à repousser cette chose qui est allée rebondir quelques pieds plus loin. J'ai pu sentir une résistance dans mes mains en le repoussant. C'était tangible. Chose étrange, je n'avais aucune peur. Je ressentais une grande colère. Qu'est-ce que c'était? Surveillez votre voisin. C'est ça. Première chose, soyez sûr que vos yeux sont ouverts, peut-être vous allez voir c'est qui. Bon. Mais effectivement, il y a des phénomènes comme ça qui se passent régulièrement. Parce que plusieurs humains ne sont pas habitués, ils peuvent difficilement croire à ces choses. Je me rappelle encore d'une personne qui, un jour, passait son temps à dire qu'elle ne croyait pas au monde astral, puis pas quelque chose. Et puis, à un moment donné, eh bien, elle passait son temps à méditer, puis à prier pour qu'elle ait une preuve. Puis, à un moment donné, les choses ont commencé à bouger chez elle. Mais là, elle pensait que c'était peut-être parce qu'il y avait des secousses sismiques, des ci, des ça. À un moment donné, son cadran qui était digital, rendu à 10h, tombe à 9h, rendu à 10h, tombe à 9h, 10h, tombe à 9h. Ça, c'est un problème électronique. Et puis, comme ça, sans arrêt. Un jour, quand elle s'est couchée, elle a eu l'impression qu'un homme est venu se coucher sur elle, puis il l'a violée. Après ça, à tous les mois, aux mêmes heures, régulièrement, c'était la même chose. Alors, elle est venue me voir un petit peu, elle y croyait maintenant. Et puis, je lui ai dit, oui, mais c'est que tu l'as demandé pendant combien de temps, maintenant c'est là. Ça va prendre probablement le même temps avant qu'elle couche ailleurs. On ne joue pas avec le feu. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais vu de kangourou que les kangourous n'existent pas. Mais il y a souvent des choses comme ça ici qui sont extrêmement sérieuses. C'est là. Bon, deux fois d'être réveillé, ça veut dire ça que souvent elle se fait masser, mais elle ne se réveille pas. Hein? C'est peut-être ce que ça veut dire. Par quelque chose ou quelqu'un d'invisible qui me massait. La première fois au niveau du plexus solaire, la deuxième fois au niveau vis-à-vis le cœur. Je vais expliquer certaines choses, mais vous ne devez pas en avoir peur. Vis-à-vis le plexus, vis-à-vis le cœur, c'est similairement la même chose, c'est-à-dire que dans une des deux régions, on a le canal qui permet, c'est le canal qui forme tout ce qui, c'est le canal, c'est la partie énergétique, donc vitale, du canal réincarnationnel, et dans l'autre, au niveau du plexus, c'est celui-là, au niveau du cœur, c'est le conteneur astral qui permet de faire passer l'information du phénomène réincarnationnel, donc du monde de la mort. La psychologie communique, là. Dans les voyages astrales, antiquement, on parle de la corde d'argent. La corde d'argent, c'est beaucoup plus le cordon d'énergie vitale, mais au niveau du corps physique, les correspondances, on aurait une qui sera cardiaque, l'autre qui sera plus au niveau du plexus solaire, une émotive, l'autre vitale. Si la personne sent le massage-là, c'est qu'en réalité, probablement, qu'il y a quelque chose, une entité, qui vient se connecter à son système énergétique pour puiser soit de l'information, soit placer de l'information, on dirait posséder, soit puiser de l'énergie pour se densifier quelque part. On appellera cela un vampire. Souvent, plus ça va, plus ça vampire. J'aime ça quand tu commences en disant « je vais vous expliquer quelque chose, puis il faut pas que vous en ayez peur. » C'est un vampire, il va venir me manipuler. Il peut te posséder. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que la personne se réveille. Donc, elle a suffisamment de conscience ou elle a des mémoires d'intervention dans son ego qui fait en sorte que lorsque ces choses-là se produisent, elle se réveille, donc elle vient en défense. Quand je dis qu'elle a du seum assez souvent, c'est une farce. Justement, elle le savait. Bon. L'autre chose, c'est que je pourrais expliquer, on peut expliquer sans un peu être coloré et dire n'importe quoi, mais tant qu'à venir à des conférences ici, autant avoir des réponses qui sont un peu plus précises sur ce qui se passe. La chose en question, ça peut être une personne de la famille qui est morte, il n'y a pas tellement longtemps, et qui a une tendance, ou un ami très proche, qui a une tendance à vouloir venir chercher de l'énergie pour pouvoir se réincarner en possédant l'individu. Ça peut. Ça ne veut pas dire que c'est cela. Il y a tellement de choses qui se passent dans les mondes qui échappent au sens de l'humain. J'ai pu sentir une résistance dans mes mains en la repoussant. Oui. Quand on fait des exercices, par exemple, les séminaristes, de temps en temps, il y a certains cours qu'ils peuvent suivre. Il y a des exercices où ils doivent apprendre à décoder l'énergie vitale. Et dans l'un des exercices, à un moment donné, à force de pousser, ils finissent par sentir un mur, une résistance. C'est de l'énergie vitale, sauf que c'est l'énergie vitale de notre propre corps. La personne, lorsqu'elle repousse quelque chose, elle sent quelque chose se repousser parce qu'elle est suffisamment extrêmement sensible à l'énergie vitale. Mais elle ne sent pas l'entité. Ce n'est pas l'entité qu'elle sent. Par contre, elle va sentir où devrait être l'entité, mais c'est son propre corps. C'est similairement la même chose, mais ce n'est quand même pas la même chose. Donc, elle ne touche pas l'entité. C'est elle sent son corps vital et ça fait comme une résistance, comme si on poussait un mur d'air. Elle pousse son corps vital, puis c'est le corps vital qui pousse l'entité. Exact. Elle, ce qu'elle sent, c'est son corps vital. Une chose étrange, je n'avais aucune peur. Non, parce qu'elle était suffisamment, oui, manfix, c'est-à-dire qu'elle était mentalement suffisamment contrôleuse de son corps physique et de son corps vital. Si elle sentait le corps vital au point de sentir quelque chose, elle était nécessairement suffisamment présente chez elle. Automatiquement, les structures de la peur, qui sont des phénomènes de l'ego, ne peuvent pas s'exprimer dans le système endocrinien. Donc, biologiquement, il n'y a pas de sécrétion d'hormones. Donc, l'ego ne sent pas la peur. Le mental, c'est donc qu'il n'y a pas de peur. La colère, par contre. Mais je ressentais une grande colère. Oui, et elle avait raison de sentir une colère, c'est que son intelligence, qu'elle ne connaît peut-être pas suffisamment, mais qu'elle connaît peut-être suffisamment aussi, mais c'est que l'intelligence chez l'humain se rendait compte de l'absurdité de l'inécologie de la mécanique. Autrement dit, c'est que tu te réveilles en plein milieu de la nuit avec un têteux, un vampire qui passait par là, qui t'aime, ça c'est un risque, qui m'aime, mais qui n'aime pas toucher, et qui, à un moment donné, on se rend compte de l'absurdité. Voilà ce qui s'est passé. pour qu'une colère comme ça apparaisse et non pas la peur, c'est que l'individu est une personne extrêmement utile, dirais importante, les spiritualistes. Elle ne se connaît pas nécessairement. Il faut faire attention dans ce que je dis, parce que les égos récupèrent facilement ce qu'on peut dire. Mais l'individu est suffisamment relié à des mécaniques, on parlait tout à l'heure d'agglomérats spirituels, elle est suffisamment connectée à des choses suffisamment évoluées pour qu'il y ait une friction d'intervention entre l'intelligence et ce qui se passe dans le véhicule planétaire avec le monde de la mort. Donc, la friction va être la colère. On l'a vu tout à l'heure, c'est une forme de friction. Il y a une intervention suffisamment rapide de l'intelligence pour préserver le véhicule planétaire. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun danger. Tu sais, c'est des tentatives d'eux. Il n'y a pas de danger. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'exactement comme si vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Mais je ne parle pas d'évolution méritoire. C'est qu'énergétiquement, ce n'est pas esthétique que le monde de la mort fasse ça à l'individu. Alors, il y a une colère mentale, il y a donc une friction entre l'intelligence et le véhicule planétaire qui fait que l'individu, quand elle se réveille, le mental est en tourbillon de colère, c'est une colère mentale. Il n'y a pas de peur là-dedans parce que l'individu est trop énergétiquement là. C'est pourquoi son ego se surprend de ne pas avoir peur. Normalement, j'aurais dû abaisser ça. Voilà. C'est la mécanique qui se passe là. L'individu, donc un être humain, planétairement extrêmement intéressant. À ce moment-là, là, ça, est-ce que le fait que l'individu soit conscient ou présent à ce point-là, ça ferait en sorte que l'entité ne reviendrait pas, ou en ce cas, finirait par arrêter? C'est évident qu'à un moment donné, l'entité ne viendra pas, sauf que si la personne aurait la capacité, à un moment donné, de lui parler, dans le sens « sort votant », mais avec une voix mentale, là, l'entité ça va être totalement finie, elle va s'en aller, puis elle ne va plus revenir. Elle va aller hanter ailleurs. Peux-tu m'expliquer pourquoi je ne peux supporter qu'un animal souffre ou qu'il soit maltraité? Dans mon enfance, mes parents devaient m'interdire de regarder des programmes où il y avait des animaux, exemple la scie, car après j'étais incapable et encore... Non, inconsolable, et encore aujourd'hui. Ça me touche même autant de voir un animal souffrir que si c'était un humain. Comment y remédier, car je suis consciente d'être une bonne source d'alimentation pour l'astral. Effectivement. La souffrance animale, ça n'existe pas. Quand l'animal commence à côtoyer l'humain, historiquement, par imprégnation, il commence à découvrir lui-même la souffrance. Les animaux qui côtoient l'humain finissent par apprendre à souffrir. En réalité, ces animaux-là deviennent des supporteurs d'une partie de notre conscience, une partie émotive. Alors le chien pourra hurler à la mort, mourir sur la tombe de son maître, etc. Il pourra marcher des kilomètres et des kilomètres. Les chevaux feront la même chose. Tous les animaux. Bon, j'ai un de mes amis qui, lui, à un moment donné, a dressé une mouche domestique. Mouche à marbre, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Et puis elle venait sur son doigt, elle pouvait la flatter, elle ne partait pas, elle venait manger dans son assiette. Elle ne s'est pas noyée. Et puis à un moment donné, ben, elle est morte, elle est partie. Bon. Mais tous les animaux. Alors ce qui arrive simplement, c'est qu'à travers le temps, la souffrance animale a fini par créer un égrégore. L'égrégore, c'est un égrégore dans le monde de la mort, et l'humain a accès à cet égrégore-là. Alors, il y a des personnages, même des saints martyrs de l'Église catholique, qui, finalement, ont même réincarné suffisamment de cette souffrance pour devenir des êtres qui vont vouloir préserver le règne animal, justement, pour qu'ils ne souffrent plus. Et un peu chacun, on finit par reconnaître la souffrance. Quand un animal souffre, c'est nous qui souffrons. On souffre pour lui, on est compatissant. Ce n'est pas intelligent dans le sens écologique. Par contre, la personne est là, encore une fois, suffisamment d'intelligence. Seuls ceux qui sont suffisamment évolués sont capables d'être compatissants, c'est-à-dire de raisonner à la souffrance de l'extérieur. C'est une manipulation, ça nourrit le monde de la mort, c'est une chose. La personne, elle doit ne pas vouloir fuir ce qu'elle vit. Elle doit par contre l'intelligencer, c'est-à-dire le muter en écologie. Moi, je ne souffre plus de voir des animaux souffrir, mais si je peux, je m'arrange pour qu'il ne souffre pas. Parce que c'est écologique de préserver l'animal, c'est écologique de ne pas nourrir le monde de la mort, simplement que c'est esthétique. C'est logique, c'est donc écologique, c'est intelligent. Et la personne, présentement, elle est totalement manipulée, c'est évident, et on ne peut pas lui donner une réponse comme ça. Ce qu'elle a à faire, c'est de continuer à évoluer, c'est-à-dire de continuer à transcender ce qu'elle est du point de vue astral, c'est-à-dire de continuer à s'en égoïser. À peu près à chaque conférence, si on résume, si on fait juste dire « soyez centré dans votre monde », déjà là, progressivement, les animaux vont finir par nous lâcher, du point de vue de ce qu'ils créent chez nous. La personne qui souffre de voir les plantes détruites, c'est la même chose. La personne qui souffre de voir les enfants malmenés, c'est la même chose. Alors, la personne, ce qu'elle doit faire, c'est ne pas fuir ce qui se passe là, mais de temps en temps, lorsqu'elle souffre, de considérer que c'est stupide ce qui arrive. Et d'essayer de se développer une vision neuve pour voir, non pas la souffrance de la chose, mais voir pourquoi ça serait intelligent qu'on ne fasse plus ça à l'animal. Et progressivement, elle va finir par développer une transcendance. C'est l'intelligence qui va dominer dans sa vision et non pas la souffrance. Par exemple, on voit un oiseau qui... Bon, on voit un animal humain qui se promène avec son automobile avec une tête d'orignal sur son toit. La personne, elle souffre. Et elle doit se dire, c'est illogique et stupide de continuer à aller à la chasse alors qu'on n'a pas besoin d'aller à la chasse pour se nourrir aujourd'hui. Plutôt que de souffrir émotivement de ce qu'elle voit. Alors, progressivement, elle va intelligencer les choses, puis à un moment donné, elle pourra même se dire, c'est correct que le gars ou la fille aille à la chasse. Ça absorbe le karma social qui fait qu'on a moins de guerres civiles. Les humains ont besoin de tuer, alors ils vont avoir la boxe où on se bat, ils vont au hockey où on se bat, et puis il y en a qui vont à la chasse, puis ça absorbe le karma. Mais elle ne souffrira plus. Mais elle va dire, maudite planète. Mais elle ne souffrira pas. Quand on réalise qu'il y a plusieurs mondes parallèles, on peut se dire qu'on se demande comment ça se fait que dans le temps des hommes préhistoriques, il y avait des voitures. Ben oui. Puis, on ne vit pas la même vie. Non. Mais à un moment donné, on finira par intelligencer différemment. Alors, on constatera qu'il y a des choses à améliorer, mais on n'en souffrira pas. Je sais que je vibre pour te parler, mais de vieux blocages du passé me nuisent. J'ai une idée de ce qui est la raison de ces frictions. Je sens que ton courant et le mien sont similaires, voire les mêmes. Dis ce que tu as à dire là-dessus. Bouh! Souvent, les individus qui écrivent des choses comme ça ou qui me disent ce genre de choses ne sont absolument pas prêts à écouter la réponse. Et souvent, juste à dire ce que je viens de dire là, déjà ils réagissent, prouvant que j'ai raison. Il y a des choses qui viennent, des choses qui se font, c'est évident. Il y a des parties anti-hommes qui habitent certains humains qui ne font absolument pas partie de ce que je suis, ni de ce que je fais. Il y a donc des personnes qui doivent prendre patience. En ce sens, il y a des personnes qui, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont dans une attente, mais une attente de stagnation. Pendant ce temps-là, les choses ne vont pas. Elles évoluent quand même, mais en même temps que la partie humaine évolue, la partie anti-humaine évolue. Donc, il manque certaines choses. Il y a des individus qui sont effectivement tributaires de certaines mécaniques ancestrales qui me touchent. Mais en même temps, ces individus-là doivent se former. Je donne un exemple. Ce n'est qu'un exemple. La personne doit faire son travail. Disons que dans une vie antérieure, j'ai été un roi, et la personne, elle me dit, on s'est déjà connus, on devrait faire de quoi ensemble? C'est vrai, tu étais le palefrenier. Tu t'occupais des chevaux, tu ramassais les pommes de route à terre. On s'est connus. Mais tu sais, avant qu'on travaille ensemble, nuance. Alors la personne, elle vibre qu'il y a une connexion, son ego la place à un niveau où elle n'est pas. Énergétiquement, elle n'est pas prête, elle serait totalement subjuguée. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a d'une partie raison. Pourquoi ce n'est pas le temps? C'est que s'il s'approche un peu trop de moi, elle va totalement devenir moi. C'est-à-dire qu'elle sera totalement un disciple. Et même si elle dit, ah, non, pour rester près de moi, inquiétez-vous pas qu'elle va faire ce que je vais vouloir. De ce fait, elle sera colorée totalement par ma présence. Parce qu'elle n'est pas encore suffisamment centrée, elle le croit. Elle risque d'être totalement colorée, ce qui fait que moi, étant totalement allergique aux disciples, j'autorise des amis, mais vraiment pas des disciples. Du moins, pas des disciples volontaires. Il y en a des disciples, mais ceux-là, ils ne me le disent pas. Bon. C'est préférable donc que la personne continue à faire comme elle fait, mais qu'elle prenne aussi son mal en patience, puis qu'elle n'attende pas que je lui dise « c'est le temps ». Les textes anciens parlent de ceux qui sont venus organiser la terre au début, entre autres les trônes. Il est dit que leur travail fait, ils se sont éloignés dans le ciel comme des roues. Certains traduisent pour soucoupe volante. S'agirait-il plutôt que ces anneaux énergétiques dont vous parlez? Proviennent-ils d'autres terres ou d'autres cieux nous ayant précédés? Si oui, où sont-ils? Que font-ils maintenant? Bon, premièrement, il y a eu effectivement intervention extraterrestre dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a eu des interventions géoviques, il y a eu par la suite interventions iaviques, il y a eu des interventions de ce genre. Les forces géoviques vont placer des lois très, très, très drastiques. Les forces iaviques vont placer les lois qui vont permettre à l'astral humain de découvrir la mécanique de l'amour, l'amour humain, donc l'amour conditionnel. Il y a des forces éloïmiques aussi qui vont engendrer simplement la mécanique des corps physiques par les mutages génétiques. Et il y a eu des mécaniques melchisédiennes. Les phénomènes melchisédiens sont des catalyseurs de l'évolution, ils sont beaucoup plus énergétiques. Ils sont personnifiés par les personnes qui les ont rencontrés. Lorsqu'on parle de ces êtres-là, on parle surtout de mécaniques qui font référence aux structures géoviques. Donc, ce sont effectivement des phénomènes extraterrestres. Ce ne sont pas les anneaux dont je parlais. Serons-nous l'équivalent des trônes tôt ou tard? Non. Nous serons sur le trône. L'être humain est l'accumulation et l'agglomération de milliards de particules créactivées, c'est-à-dire qui font partie de la création. La création, elle est supportée par plusieurs phénomènes. Il y a plusieurs univers, il y a plusieurs super-univers, ça vient et ça va, selon une forme de pulsation, comme un battement cardiaque. Nous sommes... C'est exactement comme s'il y avait des milliards d'usines qui fabriquaient des pièces pour fabriquer, pour bâtir, créer un avion. Nous sommes l'avion. Alors, de tout partout, de toutes les usines du monde, arrive une pièce. On la place. Une autre pièce, on la place. Pendant longtemps, l'humain qui se dit être un avion, on va dire un dieu, être un avion, il se dit, oui, mais si je suis un avion, pourquoi je ne peux pas voler? Il manque les ailes. Il manque les traits. Il manque encore le carburant. Il manque des choses comme ça. Alors, l'humain peut dire « je suis un avion en puissance », c'est vrai, mais ça ne sert à rien de le dire, l'avion ne volera pas plus. Il manque toujours les ailes. L'avion qui pense pouvoir voler à un moment donné parce que les ailes sont là ou les trains sont là, puis qui décolle, puis lui manque les stabilisateurs horizontaux, des choses comme ça, ben, il y aura des problèmes à un moment donné. Il va devenir un casse-tête. On appelle ça l'involution. Il s'écrase. Les morceaux repartent. Nous ne sommes pas quelque chose qui va faire ce qui s'est déjà fait. Nous sommes la solution à la création. Pour le médiocrisme humain, c'est souvent un peu trop gros quand je dis cela, mais c'est une chose. Les religions le disent un peu. On est créé à l'image du Créateur, mais on n'est pas capable de rien faire comme le Créateur. Oh, parce qu'on a bouffé une pomme. Si on aurait été à son image, on n'aurait pas bouffé la pomme. Écoute bien. Si on aurait été parfait comme lui, on n'aurait pas fait des conneries. Donc, ce n'est pas ça. C'est qu'effectivement, nous faisons partie de ce qui a créé. Mais ce qui a créé n'est pas dans la création. Lorsque l'être humain adore Dieu dans le monde de la mort, il adore un Dieu créé par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme. et adore les pieds de Dieu, ou les orteils, ou l'ongle incarné de Dieu. Oui, incarné. Et progressivement... Est-ce qu'il va finir par se réincarner? L'ongle. Des fois, c'est l'attente. Sans l'ongle de doute. C'est ça, mais des fois, c'est l'attente. C'est pas toujours l'ongle. Puis l'attente est longue. Bref, continuons. Et lorsque l'humain associe suffisamment de morceaux, ben, progressivement, il finit par avoir accès au programme informatisé du vol. Et là, il commence à cesser de penser qu'il est juste la matière, qu'il est juste un aile, qu'il est juste un ceci, qu'il est juste un cela. Il sait que c'est pas le temps de voler, mais maintenant, il sait. On vient de remplir l'informatique. Ça, c'est le contact supramental. Ça ne vient pas des matières, ça ne vient de rien. Mais subitement, on sait. Quand il sait, il se prend pas pour l'avion, il est l'avion. Il est l'avion, mais il attend parce qu'il sait que c'est pas le temps. À quel phénomène? Phénoménologie. Ah, c'est ça que je le dis. Appartient à Snar. Dans le monde de la mort, les mécaniques, il faut comprendre une chose. Premièrement, chaque fois qu'on place un nom sur quelque chose, c'est qu'on traduit, on dessine en forme orale ce qu'il est en forme énergétique. Tout ce qui résonne par la terminaison « or » a une similitude du point de vue de la conceptualisation grégorienne. Le phénomène est un phénomène qui... La question, c'est à quelle phénoménologie? C'est un phénomène astral qui provient de choses qui sont puissantes, guerrières, souvent belligérantes, souvent inajustées, mais avec toute la structure énergétique pour parvenir à être quelque chose de parfaitement chevaleresque. Et puis, je pourrais parler beaucoup, beaucoup, beaucoup du mécanique, de la mécanique, mais donc, au niveau de la phénoménologie, c'est cela. Chevaleresque, dans le sens où tu le dis, ça peut être chevaleresque, brusque aussi. Il y a des possibilités que ce soit brusque. Il y a tout ce qu'il faut pour devenir un phénomène chevaleresque écologique. C'est pas cavalier, mais chevalier. C'est ça. Alors que présentement, les phénomènes de ce genre sont souvent à contrôler. Ils ont de la puissance et ils n'ont pas le contrôle. Donc, leur puissance devient du pouvoir, très souvent. Y a-t-il une raison énergético-occulte concernant l'apparition des dents de sagesse? Oui. Il fut un temps où vous aviez tous une grande gueule. Alors, il y avait suffisamment de place pour mettre toutes les dents. Hein? Maintenant que notre tête, etc., il y a eu des mutations, eh bien, il n'y a plus suffisamment de place pour mettre toutes les dents. Alors, lorsque les dents de sagesse sortent, souvent, elles vont baisser la mâchoire, elles vont créer une subluxation de la mâchoire. Ça crée de grands problèmes. Sagesse, parce que ça apparaît tard. Mais, moi, les miennes, c'est pas pire. Je leur ai demandé de pas trop sortir quand j'étais jeune, puis ils sont juste pointés. Bon, puis ils bougent plus. D'ailleurs, mais, la sagesse aussi. C'est juste pointé, puis... Une chance, mais une fois, qu'est-ce qui s'est arrêté? T'as arrêté jaloux. Toi, ils ont arraché tes dents de sagesse. Oui, hein? Voilà. Il y a eu un peu de dents de sagesse, qu'il n'y a plus de dents du tout. Mais la raison, c'est simplement une raison anatomique. Alors, ou bien un jour, on recommencera à avoir une grosse bouche. À l'époque, il fallait mastiquer, mâcher. Il fallait qu'on mangeait cru, on arrachait. Alors, il fallait t'équiper. Mais est-ce qu'à la longue, ça va disparaître, ce phénomène-là, vu que c'est plus utile? Oui, à la longue. La longue. C'est ça. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est qu'il suffit simplement de perdre quelques dents quand on est jeune, ce qui arrivait fréquemment aussi à l'époque, et les dents de sagesse vont tasser progressivement les autres dents, ils prennent leur place aussi. C'était des dents de secours. Mais aujourd'hui, on a des maudits dentistes. Alors nos dents tombent moins. Donc les faces arrachées. Les arraches et dents sagesse. C'est simplement ça. Fait qu'il n'y a pas de raison occulte. Non. T'as une question? Non, toi? Non, moi j'en ai plein de questions. D'habitude, t'as des réponses. Oui, mais c'est sûr, mais je viens juste à écouter la réponse pour formuler la question. Peut-être commencer à introduire ce que sera la conférence la semaine prochaine. Faire face à sa conscience. Ça va parler de quoi? Ça va parler de tout ce qui, dans l'ego de l'humain, donc chez vous, fait en sorte que vous vous refusez continuellement d'accepter d'être ce que vous êtes, en ce sens que l'humain n'est pas capable de supporter ce qu'il sait. Il recherche l'accréditation, la mienne ou celle des livres ou celle de d'autres, mais c'est en même temps tout ce que l'ego fait pour rejeter le contact avec son intelligence. Ça peut être des maladies qu'il va faire pour nous occuper un bout de temps. Il va nous faire faire des mauvaises choses pour virer de cap, pour nous occuper. L'être humain est capable de supporter sa conscience. Bon, on va en parler, évidemment. Là, j'aurais goût de me lancer, mais on finira pas. Je vais t'arrêter. C'est ça. Mais la conscience, c'est exactement, c'est comme, par exemple, faire face à son bonheur. C'est pas une de petite envergure. Faire face à la richesse, ce n'est pas une farce. Faire face au succès, pas réussir au détriment des autres, ou réussir là où les autres ont échoué, non, non. Réussir simplement à avoir une évolution solaire qui est plus méritoire. Tout va bien. C'est de dire tout va trop bien. Faire face à sa conscience, c'est faire face aussi à tout ce qui chez nous indique des points. Alors que bien souvent, on fait tout pour fuir ce qui nous est dit. Vous savez ce que je vous compte? Tout ce que vous en comprenez, c'est que vous le savez déjà. Mais il faut quelqu'un pour le dire, parce qu'on ne fait pas face à sa conscience. Ceux qui veulent se faire brasser la conscience, n'oubliez pas que le séminaire est, comme je disais tantôt, le 16 et 17, soit pour des nouveaux ou ceux qui l'ont déjà fait, mais qui veulent se faire rafraîchir un peu l'énergie. Bonne semaine, bonne fin de semaine, à vendredi prochain.